Pendant ce temps, Ned Land, assez peu conchyliologue, m'interrogeait sur mon entrevue avec le capitaine Nemo. « Combien d'hommes il y a à bord ? 10, 20, 50, 100 ?»« Je ne saurais vous répondre, maître Land. D'ailleurs, croyez-moi, abandonnez pour le moment cette idée de vous emparer du Nautilus ou de le fuir. Ce bateau est un chef-d'œuvre de l'industrie moderne et je regretterais de ne pas l'avoir vu. Bien des gens accepteraient la situation qui nous est faite, ne fût-ce que pour se promener à travers ces merveilles. Ainsi, tenez-vous tranquille et tâchons de voir ce qui se passe autour de nous. » L'obscurité se fit subitement dans le salon, mais une obscurité absolue. Puis, le jour se fit de chaque côté du salon, à travers deux ouvertures oblongues. Les masses liquides apparurent vivement, éclairées par les effluences électriques. Deux plaques de cristal nous séparaient de la mer. Je frémis d'abord, à la pensée que cette fragile paroi pouvait se briser. Mais de fortes armatures de cuivre la maintenaient et lui donnaient une résistance presque infinie. La mer était distinctement visible dans un rayon d'un mille autour du Nautilus. Quel spectacle! Quelle plume le pourrait décrire? Qui saurait peindre les effets de la lumière à travers ces nappes transparentes et la douceur de ces dégradations successives jusqu'aux couches inférieures et supérieures de l'océan? De chaque côté, j'avais une fenêtre ouverte sur ces abîmes inexplorés. L'obscurité du salon faisait valoir la clarté extérieure et nous regardions comme si ce pur cristal eût été la vitre d'un immense aquarium. « Ah » m'écriai-je, « je comprends la vie de cet homme. Il s'est fait un monde à part qui lui réserve ses plus étonnantes merveilles. » Pendant 2 heures, toute une armée aquatique fit escorte au Nautilus. Au milieu de leur jeu, de leur bond, tandis qu'ils rivalisaient de beauté, d'éclat de vitesse, je distinguais le labre vert, le mule barberin marqué d'une doublée noire, le gobi et les autres, à caudale arrondie, blanc de couleur et tacheté de violet sur le dos. Le scombre japonais, admirable maquereau de ses mers, au cœur bleu et à la tête argentée, de brillants azurores, dont le nom seul emporte toute description. Je ne citerai pas toutes les variétés qui passèrent ainsi devant nos yeux éblouis, toute cette collection de mers du Japon et de la Chine. Ces poissons accouraient, plus nombreux que les oiseaux dans l'air, attiré sans doute par l'éclatant foyer de lumière électrique. Je passai la soirée à lire, à écrire, à penser. Puis, le sommeil me gagnant, je m'étendis sur ma couche et je m'endormis profondément pendant que le Nautilus se glissait à travers le rapide courant du fleuve noir du Pacifique, le Kurochivo des Japonais.